chez ni Stan. Troisième volet, je vais foutre le feu comme sabot. Tu me prends pour un clown. Demande à César qui est le boss du labo. La coque dans le gaz, au rabot, douter. Check la distance, tu me vois même plus douter. Ce morceau, c'est mon menu pour le cours. Tu vas devenir accro après l'avoir goûté. Et ça, je le répéterai incessamment. Laissons des beatmakers dans le testament. Apatoy m'a dit quitte pour tuer récemment. J'ai pris du galon, ça y a pas photo. J'ai bossé, me suis entouré des bons poteaux. J'ai forgé mes techniques secrètes dans le dojo. Un flow posé au bouillon binaire comme Soto. C'est pour les gens qui se la butent aux animes. Qui, quand y'a pas de scan, sont perdus et bannis. C'est pour les gens qui ont toutes sortes de manies. Fans de manga sont comme de la famille. Y'a 12 références. Si tu les trouves pas, on t'a de toi. Oublie tes préférences. Fais pas preuve de mauvaise foi. J'ai trouvé ma voix, j'ai trouvé mon indo. Dans ce rap game, j'ai le génie des blancs. Il ne manque que la fame pour faire partie des grands. Souviens-toi de mon name, parce que ça avait du cran. Au lieu de critiquer, fais mieux. Ceux qui parlent beaucoup n'auront jamais la baraka. Ça se manquait de guy, sérieux. 20 ans après, gros shoot dans la tête de Madara. Pas d'abracadabra, que du travail, de la détermination. Dans ma tête, j'ai la voix du coach Kamogawa. J'avance petit à petit, pas de précipitation. Mes félicitations, si tu m'écoutes, c'est que t'as du goût. Un palais à rendre jaloux, mademoiselle Irina. Et le deuxième album sera plus lourd encore que le premier. Un point, mec, je te lis pas. C'est pour les gens qui se la butent aux animes. Qui, quand y'a pas de scan, sont perdus et bannis. C'est pour les gens qui ont toutes sortes de manies. Fans de manga sont comme de la famille. Y'a 12 références. Si tu les trouves pas, on t'a de toi. Oublie tes préférences. Fais pas preuve de mauvaise foi. Dis-moi si tu les as trouvés. Je viens te spoiler manga 3. Amenez-moi n'importe quel MC en fit. Je le mangeais, j'ai pas besoin de la foule. J'ai l'habitude de grailler ça juste pour le kiff. Je pense que j'ai le même appétit qu'une goule. Profitez de chaque instant de ce morceau, c'est le troisième volet. C'est sûrement le dernier, je compte sur vous pour aller le porter sur les ondes. J'aurai le plaisir de vous en remercier. Flow extraterrestre pour le film, j'appelle Besso. Je suis votre professeur, je compte bien vous faire la leçon. Je passe en vitesse, ma devant, j'ai la classe sur le son. J'assassine le tempo, l'ambiance devient bresson. À vouloir plier le rap, on est beaucoup. Très peu y arriveront, c'est chacun sa chance. J'attendrai pas 10 ans pour réussir mon coup. Je suis pas hétéro, je n'ai pas cette passion. C'est pour les gens qui se la butent aux animes. Qui, quand y'a pas de scan, sont perdus et bannis. C'est pour les gens qui ont toutes sortes de manies. Fans de manga sont comme de la famille. Y'a 12 références. Si tu les trouves pas, on t'a de toi. Oublie tes préférences. Fais pas preuve de mauvaise foi. C'est pour les gens qui se la butent aux animes. Qui, quand y'a pas de scan, sont perdus et bannis. C'est pour les gens qui ont toutes sortes de manies. Fans de manga sont comme de la famille. Y'a 12 références. Si tu les trouves pas, on t'a de toi. Oublie tes préférences. Fais pas preuve de mauvaise foi. Dis-moi si tu les as trouvés. Je viens de spoiler manga 3. Dis-moi si tu les as trouvés. Je viens de spoiler manga 3.